الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. خلق الخلق وكلفهم بالعبادة. Il a créé la création, les créatures, et il les a chargées de l'adoration, ou par l'adoration. وتكلف سبحانه وتعالى بالرزق. Et il a pris en charge, lui le Très-Haut, la subsistance. فاهتموا بطلب الرزق. Et les gens se sont préoccupés par la recherche de la subsistance, et ils ont abandonné l'adoration. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. L'imam Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. L'imam Abdullah, fils de Abbas, que Dieu soit satisfait des deux, dit « Inna al-qabra » Yunadi ibn Adama kulla yawmin bi khamsi kalimat. La tombe appelle le fils d'Adam chaque jour par cinq phrases. Ibn Adam, tamshi al-yawma ala dhahri, au fils d'Adam, aujourd'hui tu marches sur mon dos, sur mon sol. Wa ghadan satanamu fi qabri, mais demain tu dormiras dans mon intérieur ou dans mon ventre. Ya ibn Adam, tafrah al-yawma ala dhahri, au fils d'Adam, aujourd'hui tu es joyeux, tu es content sur mon dos. Wa ghadan satahzanu fi batni, mais demain tu seras triste dans mon intérieur. Ya ibn Adam, tadhhak al-yawma ala dhahri, au fils d'Adam, aujourd'hui tu ris sur mon dos. Et on ne fait aujourd'hui que le rire. Même on achète avec l'argent le rire. Aujourd'hui tu ris sur mon dos. Wa ghadan satabki fi batni, mais demain tu pleureras dans mon ventre. Ya ibn Adam ta'si Allah ala dhahri, wa ghadan satu'adabu fi batni, au fils d'Adam, aujourd'hui tu désobéis à Dieu sur mon dos, sur mon sol. Wa ghadan satu'adabu fi batni, mais demain tu seras châtié dans mon ventre. Ya ibn Adam, ta'kul al-yawma ala dhahri, au fils d'Adam, aujourd'hui tu manges sur mon dos. Wa ghadan say'kuluka ad-dudu fi batni, mais demain ce sont les vers qui vont te manger dans mon intérieur. Ya Rabb, wajjahtu basari huna wa hunaka, ô Seigneur, j'ai lancé mon regard là et là-bas. Wa haythuma tawajjaha al-basaru yalqaka, et là où le regard se dirige, il te rencontre. Laysa man faqada 'aynayhi bi'a'ma, walakin al-a'ma bihaqqin man la yaraka. N'est pas aveugle celui qui a perdu la vue, mais le vrai aveugle est celui qui n'arrive pas à te voir, qui n'arrive pas à voir ta grandeur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah as-Sadiq al-Amin, et j'atteste que notre maître est bien-aimé et l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Qala lana sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, prière et salut sur lui, innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna al-qamara laylat al-badr, certainement vous allez tous voir votre Seigneur le jour de la résurrection comme vous voyez dans cette vie ici-bas la lune lorsqu'elle est entière ou lorsqu'elle est pleine. Sayyidi Aba Zahra'i ya Rasul Allah, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nom des sables du désert, wa auladi Adam wa Hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, après ceci, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Innana na'ishu al-an fi awakhir, innana al-an na'ishu fi awakhir شهر ماي. Maintenant on vit à la fin du mois de mai, و يعني في الشهر القادم او حتى في هذا الشهر في اواخر هذا الشهر هناك من الطلبه والتلاميذ من بدأوا في سلسلة الامتحانات. يا maintenant ou dans le mois prochain, dans une semaine, dans quelques semaines, des élèves, des étudiants qui ont commencé la série d'examens. Nahnu fi waqt al-imtihanat, on est dans la période d'examen, shahr al-as'ila, dans la période des questions, al-baccalauréat wa ghayraha min al-imtihanat, l'examen du baccalauréat ou autre type d'examen. Wa nas'alu Allah bi hadhihi al-munasabah, et on demande à Dieu à cette occasion an yusa'ida abna'ana, qu'il aide nos enfants fi imtihanatihim, dans leur examen, wa fi isti'dadihim limtihanatihim, et dans leur préparation pour leur examen. Wa an yaj'al al-imtihana sahlan binisbati lahum, et on demande à Dieu de faire de ces examens une chose facile pour eux. Innahu ala kulli shay'in qadir, il est certes capable de toute chose. Wa uhibbu an aqula bi hadhihi al-munasabah kadhalik, j'aimerais dire à cette occasion aussi, bi anna imtihan ad-dunya yudhakkir al-mu'min bi imtihan al-akhirah, comme quoi l'examen dans cette vie ici-bas rappelle aux croyants l'examen de l'au-delà. يذكرنا بيوم القيامة, il nous fait rappeler le jour de la résurrection. يوم الامتحان الحقيقي, le jour du vrai examen. يوم واحد ولكن مقداره 50,000 سنة, une seule journée mais qui va durer 50,000 ans. أيها الإخوة الكرام, mes frères nobles, الدنيا قاعة امتحان كبيرة, la vie ici-bas ou le bas monde n'est qu'une salle d'examen très très très très vaste. Les collines, une salle d'examen pour toute l'humanité. Min sin el bulugh ila el maut, à partir de l'âge de la puberté jusqu'à la mort. Kullu yawmin anta fi imtihan, chaque jour tu es dans un examen. Kull sa', toute heure tu es dans un examen. Kul daqiq, toute minute tu es dans un examen. Bel kul thaniya, ou plutôt chaque seconde tu es dans un examen, dans un test. Ad-dunya imtihanun kitabi, la vie ici-bas est un examen écrit. Wa yawm al-qiyama imtihan shifai ou shafawi, et le jour de la résurrection est un examen oral. الدنيا امتحان كتابي, la vie ici-bas est un examen écrit. والملائكة هم الذين يكتبون كل شيء, et ce sont les anges qui écrivent toute chose. كل ما تفعله في كل ثانية في قاعة الامتحان الدنيوي يكتب, tout ce que tu fais dans la salle d'examen qui s'appelle le bas monde est écrit par les anges. نحن في امتحان طويل, on est dans un examen très très long, durable. Walakinana ghafiloun, mais notre problème, on est inattentif, distrait. Nasoun, nous avons même oublié qu'on est dans un examen. Wa haluna yushbihu hal at-tilmid, notre état ressemble à l'état d'un élève. Dakhala ila qa'at al-imtihan, qui est entré dans la salle d'examen, thumma nasiya annahu fi imtihan, et en examen, il a oublié qu'il est dans l'examen. Et il a commencé à jouer. Et à dessiner. Jusqu'à la fin du temps réglementaire de l'épreuve d'examen. Et il a été réveillé par le son de la sonnette. Mais c'était trop tard. Lorsqu'il s'est réveillé, on lui a arraché la copie. وكذلك حال الناس في زماننا, et ainsi l'état des gens à notre époque. نسوا بأن الدنيا دار امتحان, ils ont oublié que la vie ici-bas est une maison vaste d'examen. فبدأوا يلعبون, et ils ont commencé à jouer. ويشبعون شهواتهم, et ils ont commencé à rassasier leurs désirs. بكل الوسائل, avec tous les moyens. حتى بق جرس الموت, jusqu'au point que la sonnette de la mort a sonné sur leur tête, l'au-delà et surtout le jour de la résurrection est un examen oral, après lequel on donnera les résultats, les résultats de l'écrit et de l'oral seront soit un paradis, soit un enfer. والذي يحاسب في هذا الامتحان الشفوي l'examinateur qui va examiner pendant l'épreuve orale الذي يسأل celui qui va interroger هو الله سبحانه وتعالى n'est que Dieu le tout puissant الذي يسأل هو القوي celui qui va interroger s'appelle le très fort هو الكبير s'appelle le très grand هو مالك الملك s'appelle le roi suprême. فماذا أعددنا لهذا اليوم الطويل الخطير qu'avons-nous tous préparé à ce jour qui est très très long 50 000 ans الخطير ce jour redoutable. فاسمحوا لي أن أسافر بكم سفر استطلاع إلى يوم القيامة. Permettez-moi, mes frères et mes sœurs, de vous faire voyager un voyage de découverte vers le jour de la résurrection. J'ai choisi pour vous uniquement trois lieux ou trois sites. Min dhalika al-yawm, de ce jour de la résurrection. Wa abda' bi hadhihi al-kalima للنبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة. Je commence par cette parole prophétique à propos du jour de la résurrection. خوفني جبريل عليه السلام. L'archange Gabriel m'a effrayé par le jour de la résurrection. حتى أبكاني, jusqu'au point de me faire ou de m'avoir fait pleurer. فقلت يا جبريل, j'ai dit ô Gabriel, ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ Ne m'a-t-on pas pardonné mes péchés antérieurs et postérieurs؟ فقال لي, et il m'a dit, يا محمد, ô محمد, لتشهدن من هولي ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة. Tu vas voir certainement de la terreur de ce jour, le jour de la résurrection, ce qui va te faire oublier le pardon ou l'absolution divine. Al-Mawtin al-Awwal, le premier lieu, ou al-Mizan, que j'ai sélectionné, c'est la balance. Alladhi qala Allah ta'ala wa tabaraka anhu, la balance pour laquelle Dieu a dit, ou à propos de laquelle Dieu dit, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, fahuwa fi 'eeshatin radiya. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa demeure est un abîme très profond. أُمُّهُ هَاوِيَةٌ مُشْ أُمُّهُ الَّتِي أَرْبَعَتْهُ لَا أُمُّهُ هِيَ رَأْسُهُ رَأْسُ هَذِي مُقَدِّمَةَ الرَّأْسُ تُسَمَّ الْأُمُّ هَذِي الْمُقَدِّمَةَ هَاوِيَةٌ سَتَهْوِي فِي جَهَنَّمَ. فأمه هاوية وما أدراك ما هي يعني ما هي جهنم نار حامية. Sais-tu de quoi s'agit-il? D'un feu ardent. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa demeure est un abîme très profond. Sais-tu de quoi s'agit-il? Un feu ardent. أخي أختي فرير سير, تخيل نفسك وقد جاءت بك الملائكة إلى الميزان. Imagine-toi ramené par les anges ce jour-ci vers la balance. شخص بصرك, ton regard se fixera. طار عقلك, ta raison s'envolera. تدفق عرقك, ta transpiration, ta sueur jaillira. وأنت تنظر إلى الميزان. Et toi tu observes la balance. من سيكون ثقيلا؟ Qui sera-t-il lourd؟ حسناتك أم سيئاتك؟ Le plateau de tes bonnes ou de tes mauvaises actions. تخيل نفسك أمام الميزان. Imagine-toi face à la balance. وقلبك يدق بسرعة. Et ton cœur qui bat très vite. وفمك يقول ويردد. Ta bouche qui dit et qui répète. يا ليتني قمت بكثير من الحسنات. Oh si j'ai accompli dans la vie passée beaucoup de bonnes actions. يا ليتني ابتعدت من السيئات. Oh si je me suis éloigné des péchés. أخي أختي frère sœur, هل تريد أن تعرف النتيجة الآن؟ Veux-tu connaître le résultat aujourd'hui maintenant؟ يعني غدا يوم القيامة لما يخف الميزان هناك من يرمي نفسه في الميزان ليثقل الميزان ولكن يبقى الميزان خفيف. Le jour de la résurrection, devant le poids léger de ses bonnes actions, il y a la personne qui se jette dans le plateau des bonnes actions pour alourdir la balance des bonnes actions. Mais cette balance reste légère. يعني حسب النبي صلى الله عليه وسلم, selon le prophète صلى الله عليه وسلم, يجاء بالرجل الطويل الغليظ. On apporte ou on ramène ce jour-ci l'homme qui est très haut et qui est très gros, bien portant. وَلَكِنَّهُ لَا يُسَاوِي عِنْدَ اللَّهِ شَيْئًا. Mais il ne vaut rien auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. بِجِسْمِهِ بِعَظَمَتِهِ لَا يَزِنْ عِنْدَ اللَّهِ شَيْئًا. Même avec son corps, avec ses muscles, avec tout ce qu'il a, il ne pèsera pas lourd. Il sera un poids léger devant Dieu subhanahu wa ta'ala. تريد أن تعرف النتيجة الآن؟ Veux-tu connaître le résultat aujourd'hui؟ انظر في هذا اليوم كم عدد حسناتك. Regarde dans ce jour aujourd'hui quel est le nombre de tes bonnes actions. قبل أن تأتي هنا كم قمت من حسن. Avant de venir vers ici aujourd'hui, combien as-tu fait de bonnes actions? وانظر كم عدد سيئاتك. Et regarde, avant de venir aujourd'hui à la mosquée, combien as-tu fait de mauvaises actions? انظر في هذا الأسبوع. Regarde la semaine. إلى الحسنات والسيئات. Regarde cette semaine, combien tu as fait de bonnes ou de mauvaises actions. انظر في هذا الشهر. Regarde tout le mois. انظر في هذه السنة. Regarde toute l'année. انظر في حياتك. Ou plutôt, regarde toute ta vie. هل أنت من أصحاب الحسنات؟ Est-ce que tu es un homme parmi les gens des bonnes actions? Parmi les hommes ou les femmes de bonnes actions? أم أنت من أصحاب السيئات؟ Ou es-tu un homme ou une femme parmi les gens des mauvaises actions? من ذا الذي يمنعك؟ Qu'est-ce qui t'empêche? Innaka lazilta fi dunya. Tu es toujours dans la vie ici-bas. Anta ba'id min al-mizan. Tu es loin, très loin de la balance. Man yamna'uk min al-ikthar min al-hasanat. Qui t'empêche d'être une machine à fabriquer ou à faire les bonnes actions? Man alladhi yadfa'uk ila as-sayyi'at. Qu'est-ce qui te pousse à faire les mauvaises actions? أمام كل سيئة, devant chaque mauvaise action, وقبل القيام بها, et avant de la commettre, avant de l'accomplir, تذكر الميزان. Rappelle-toi de la balance. Aujourd'hui, dans cette vie ici-bas, avant de commettre le péché, rappelle-toi de son poids qui va alourdir ta balance. تذكر بأنها ستثقل كفة السيئات. أخي أختي frère, sœur, إذا أردت النجاة يوم القيامة من خطر الميزان, si tu veux échapper, si tu veux ton salut le jour de la résurrection contre le danger qui s'appelle la balance qui va peser tes œuvres. فَعَلَيْكَ بِاسْتِعْمَالِ مِزَانِ الشَّرَّ فِي حَيَاتِكَ. Tu dois toujours dans cette vie ici-bas utiliser la balance de la loi divine dans ta vie. Avant de faire quoi que ce soit, pèse ce que tu veux faire dans la balance musulmane. فِي الدُّنْيَا, dans la vie ici-bas. قَبْلَ أَن تَقُومَ بِأَيِّ عَمَلٍ. Avant de faire quoi que ce soit, زِنْهُ بِمِزَانِ الْإِسْلَامِ, pèse l'action avec la balance d'Islam. هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَمْ حَلَالٌ, est-elle licite ou illicite. قَالَ سَيِّدُنَا عُمَرٌ, notre maître Omar رضي الله عنه, que Dieu soit satisfait de lui, حَسِبُوا أَنفُسَكُمْ, jugez-vous par vous-même. قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا, avant que vous soyez jugés. وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُ, et pesez vos actions avant que celles-ci soient pesées. وَأَمُرُّوا إِلَى الْمَوْطِنِ الثَّانِي, je passe au deuxième site, ou bien à la deuxième station. وَهُوَ السُّؤَالِ, qui est l'interrogation. في هذا المكان, dans ce lieu d'interrogation, نجد, بارك الله فيك, نجد الناس في خوف وخضوع وذل. Nous allons constater que les gens dans ce site sont effrayés, soumis, humiliés. على رأسهم الأنبياء, à leur tête se trouvent les prophètes, والصديقون, et les vertueux. الكل جاث على ركبتي. Tout le monde est à genoux, même les prophètes, même les vertueux. Tout le monde à genoux. والملائكة محيطة ما في إنسان على كرسي. Il n'y a pas quelqu'un sur une chaise. ما في إنسان على عرش. Il n'y a pas une personne sur un trône. الكل على ركبتي, tout le monde à genoux. والملائكة محيطة بهم صفا صفا, et ils sont entourés par des rangées et des rangées d'anges. الكل ينتظر السؤال, tout le monde attend l'interrogation. Ils ont compris que là ils seront interrogés. قال تعالى, Dieu dit, فوربك لَنَسْأَلَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نَسْأَلُهُمْ جَمِيعًا عَنْ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا. انظر ماذا تعمل وقل ربي سيسألني عن هذا العمل. Dieu dit par Allah, يقسم, فوربك يا محمد, par ton Seigneur, Dieu jure par lui-même, par ton Seigneur, nous allons tous les interroger. À propos de quoi? À propos de ce qu'ils faisaient. Avant de faire quoi que ce soit, pense à l'interrogation de Dieu subhanahu wa ta'ala sur ton action. وَيَبْدَأُ اللَّهُ بِالْأَنْبِيَاءِ, Dieu va commencer par les prophètes. يقول, il dit, يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم, le jour où Dieu rassemblera les messagers et dira, que vous a-t-on répondu? قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Ils ont dit, nous n'avons aucun savoir, c'est toi par excellence le parfait sachant des mondes inconnus. إذا كان الأنبياء أمام سؤال الله, si les messagers devant l'interrogation de Dieu oublient la réponse, لا يعرفون الإجابة, ينسون الإجابة, فكيف تكون حالنا نحن, comment sera-t-elle ou comment sera-t-il notre état. وها هي الملائكة بأجسام غلاظ شداد, voici maintenant les anges qui s'approchent avec des corps géants forts. يأخذون الناس واحدا واحدا, et chacun son tour, ils prennent les gens un par un. إلى أين, vers où. إلى العزيز الجبار، vers le tout puissant, vers le très fort. ستكون وحدك أمام الله. Tu seras seul devant Dieu. من غير أب، sans père, ولا أم، sans mère، ولا أولاد، sans enfant، ولا زوجة، sans femme، ولا زوج، sans mari، ولا أصدقاء، sans ami. هؤلاء الأصدقاء الذين يدفعونك اليوم للحرام لن ينفعونك غدا يوم القيامة أمام الله. Ces amis qui te poussent aujourd'hui à faire l'interdit ne te seront d'aucune utilité devant Dieu le jour de la résurrection. من غير محام، tu seras sans avocat. قال تعالى، Dieu dit dans un verset coranique: وكلهم آتيه آت لله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يجي فرد وحده وحدها فردا. Le jour de la résurrection, chacun d'eux se présentera seul à lui, à Dieu subhanahu wa ta'ala. إما نؤمن بهذا الكلام وإما نكفر. Soit qu'on croit à ces paroles, comme quoi ce sont des paroles de Dieu subhanahu wa ta'ala, soit qu'on devient mécréant. هذا كلام الله، إما نؤمن بهذا الكلام وإما نكفر. هذا كلام الله، كل واحد قال الله يأتي يوم القيامة ليقف أمام الله وحده. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وها قد أتى دورك. Et voici ton rôle, ton tour qui est arrivé. وفقك الله يا أخي. Que Dieu soit de ton côté, ô mon frère. وفقك الله يا أختي. Que Dieu soit de ton côté, ô ma sœur. لقد كنت في الدنيا حرا تفعل ما تشاء. Tu étais dans la vie ici-bas libre. Tu faisais tout ce que tu voulais. Min dunub, comme péché. Min ma'asi, comme désobéissance. Bi ghayri hisab, et sans jugement et sans calcul. Wa ha qad jaa waqtu al-hisab. Et voici le moment du jugement, le moment du calcul qui est arrivé. Wa tarta'idu fara'isuk. Tes muscles vont trembler. Yaghibu 'aqluk. Ta raison va s'absenter, va disparaître, tu deviens fou. في هذه اللحظات, pendant ces moments, ستقف أمام الله. D'ici quelques instants, tu vas t'arrêter devant Allah. خالق السماوات والأرض, créateur des cieux et de la terre. سيسألك رب العالمين. C'est le Seigneur des univers qui va t'interroger. من غير حجاب ولا ترجمان. Sans voile entre toi et lui, sans traducteur entre toi et lui. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. هل أوجدت جوابا لهذا السؤال الإلهي في الآية الكريمة؟ As-tu préparé une réponse à cette question divine qui se trouve dans ce verset coranique? يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. يا أيها الإنسان ما غرك. يا أيها الإنسان، أشنو اللي غرك بربك الكريم الذي كان كريما معك وكنت عفريتا وكنت ظالما معه وكنت عاصيا له، هو كان كريم معك وأنت كنت عاصي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Ô être humain, qu'est-ce qui t'a induit en erreur au sujet de ton généreux Seigneur? أحد الصالحين رضي الله عنه قال: إذا سألني ربي وقال لي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سأقول له غرتني رحمتك. Si mon Seigneur, ce vertueux dit, si mon Seigneur me dit, ô être humain, qu'est-ce qui t'a induit en erreur au sujet de ton généreux Seigneur? Je vais lui dire, la chose qui m'a induit en erreur, c'est ta clémence, c'est ta miséricorde. وامتلأ قلبك خوفا وفزعا. Tu es devant Dieu, il te pose cette question, ton cœur est rempli maintenant de peur, de crainte, de terreur. Nasita abak, tu as oublié à ce moment-là ton père. Nasita ummak, tu as oublié ta maman. Akhak, ton frère, ukhtak, ta sœur, zaujatak, abnaak, zaujuk, tu as oublié ta femme, ton mari, tes enfants. Lak Allah, que Dieu soit de ton côté. Akhi, أختي frère ou sœur, لك الله يا أختي الملائكة محيطة بك, tu es entouré par les anges. وأنت بين يدي الله تعالى, et tu es face à Dieu le très haut. للحساب, pour le jugement. يقول لك, il va te dire, يا ابن آدم, au fils d'Adam, فيدق قلبك بسرعة, ton cœur va battre fort, très vite. Ou yarta'idu jismuk, ton corps devant ce mot au fils d'Adam va trembler comme il n'a jamais tremblé. Wala tastati'u al-wuquf 'ala rijlayk, tu seras incapable de tenir debout sur tes pieds. Wa yasduqu qawluhu ta'ala, et son verset ou sa parole sainte qui se trouve dans ce verset coranique va se réaliser pour toi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, celui qui a accompli le poids d'un atome dont le bien le verra ou le trouvera. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, et celui qui a accompli le poids d'un atome dans le domaine du mal le trouvera. فَكَمْ مِنْ فَاحِشَةٍ نَسِيتَهَا, combien d'actions abominables que t'as oublié, et tu vas te rappeler d'elle devant Dieu. Tu seras envahi par le regret. Le verset coranique dit, قل ما عملته من البلوغ إلى الموت تجده أمامك ينتظرك أمام الله هذا عملك. ووجدوا ما عملوا حاضرا, et ils trouvèrent présent tout ce qu'ils ont fait, toute ton œuvre depuis ta puberté jusqu'à la mort, elle t'attend devant Dieu, toute ton œuvre. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, حَاشَ لِلَّهِ, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. وَيَغْلِبُ عَلَيْكَ الْخَجَلُ وَالْحَيَاءُ, tu seras envahi par la honte, par la pudeur, tu vas rougir, tu vas passer par toutes les couleurs devant Dieu subhanahu wa ta'ala, tu seras devant le Créateur. Enfin, tu es devant le Créateur, devant Allah. Yaqulullah, Dieu va te dire, ya abdi, ô mon serviteur, amastahyayta minni, n'avais-tu pas honte de moi, lamma kunta taqum bil haram wal ma'asri, lorsque tu accomplissais le péché et l'interdit. فَتَتَمَنَّا لَوْ أَنَّ الْأَرْضَ تَبْلَعُكْ, tu vas souhaiter que la terre t'absorbe, t'avale. حَتَّى لَا تَسْمَعَ مِنْ رَبِّكْ هَذَا اللَّوْمُ وَهَذَا التَّوْبِيخ, afin que tu n'entendes pas de la part de ton Seigneur ses réprimandes et ses reproches. وَهُنَكَ مَنْ يَتَمَنَّا أَنْ يَدْخُلَ النَّارِ وَلَا يَسْمَعْ لَوْمَ الْعَزِيزَ الْجَبَّارِ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ وَاللَّهِ النَّارِ أحسن إلي وأحب إلي من أن يقول ربي هذا الكلام لي أنا عبد السوء, أفضل أن أدخل مباشرة في جهنم ولا أقف أمام الله. Il y a des gens qui vont souhaiter entrer directement à l'enfer au lieu d'écouter les reproches du Tout-Puissant et du Très-Fort. Ils vont dire, peut-être c'est mieux d'entrer directement sans voir Dieu subhanahu wa ta'ala, entrer à l'enfer au lieu de s'arrêter devant Dieu pour écouter ses reproches. Ya abdi, oh mon serviteur, alam akun raqiban ala aynayk, n'étais-je pas surveillant de tes yeux, لما كنت تنظر للحرام lorsque tu voyais l'interdit avec tes deux yeux يا عبدي او serviteur ألم أكن رقيبا على أذنيك n'étais-je pas surveillant de tes oreilles وأنت تسمع الحرام lorsque tu écoutais l'interdit أغاني ومصائب des chansons et des malheurs et إلى آخره etc. يا عبدي ô serviteur ألم أكرمك ne t'ai-je pas honoré ألم أكرمك ne t'ai-je pas honoré ألم أزوجك ne t'ai-je pas marié ألم أعطيك الأموال ne t'ai-je pas donné des fortunes ألم أعطيك الأولاد ne t'ai-je pas donné des enfants يا عبدي ô serviteur انظروا إلى كلمة عبدي كم قوية regardez combien est très fort ce mot ô serviteur ألم أنعم عليك بالشباب ne t'ai-je pas accordé la jeunesse est-ce que tu n'étais pas jeune ففيما أبليت qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse ألم أمهل لك في العمر ne t'ai-je pas allongé ta vie ne t'ai-je pas prolongé ta vie ففيما أفنيت qu'est-ce que tu as fait de ta vie ألم أرزقك المال ne t'ai-je pas donné l'argent فمن أين اكتسبت وفيما أنفقت comment l'as-tu gagné ton argent et dans quel domaine l'as-tu dépensé ألم أكرمك بالعلم ne t'ai-je pas donné la science ne t'ai-je pas donné le savoir فماذا عملت فيما علمت qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as su est-ce que tu as mis en pratique ton savoir ويعد الله عليك إنعامه ومعاصيك et Dieu va te citer ses bienfaits ses grâces et ta désobéissance وإكرامه ومساويك et ses bienfaits et tes péchés فإن أنكرت dans le cas où tu contestes شهدت عليك جوارحك ce sont tes membres ce sont tes organes qui vont témoigner contre toi. قال أنس رضي الله عنه أنس que Dieu soit satisfait de lui dit ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال le messager de Dieu a ri et par la suite il dit أتدرون مما أضحك saviez-vous de quoi ou qu'est-ce qui me fait rire ou qu'est-ce qui m'a fait rire قلنا الله ورسوله أعلم nous avons dit c'est Dieu et son messager qui savent قال من مخاطبة العبد ربي j'ai ri du dialogue du serviteur à son seigneur يقول يا رب ألم تجرني من الظلم il dit au seigneur ne m'as-tu pas protégé contre l'injustice قال بلى Dieu dit si فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني le serviteur va dire aujourd'hui je n'accepte que des témoins propres à moi. فيقول يجيب بهذه الآية il dit Dieu va donner cette réponse sous forme de ce verset coranique كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ton propre témoignage est suffisant pour toi aujourd'hui. قال فيختم على فيه le prophète dit et on ferme sa bouche on fermera sa bouche ويقال لأركانه انطقي et on va dire à ses membres, ses organes de prendre la parole. فَتَنْتِقُ بِأَعْمَالِهِ et ses organes vont parler, vont raconter ce qu'ils faisaient devant eux. Mon frère ou ma sœur, avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, essaie de te cacher par rapport à tes yeux, par rapport à tes oreilles, par rapport à ta bouche, par rapport à tes mains, par rapport à ta peau, par rapport à tes pieds, parce que tout ce monde va témoigner contre toi. اليوم قبل أن تفعل شيئا حاول أن تتخبأ من عينيك ومن يديك ومن رجليك ومن جلدك ومن شعرك فكل هؤلاء سيشهدون عليك غدا يوم القيامة ثم يخلى بينه وبين الكلام et après on lui laisse de nouveau la faculté de parler فيقول لأعضائه et ce monsieur va dire à ses membres il va dire à lui-même بعدا لكنا وسحقا لكنا il va dire à ses organes soyez éloignés et soyez perdants فعن كنا كنت أناضل، أنا كنت أناضل حتى أنجيكم من النار، كنت أناضل فأنتم غرقتموني غرقكم الله، يعني أنا كنت أناضل عن كن فعن كن كنت أناضل. Il va leur dire soyez perdants, c'est-à-dire à ses membres, c'était pour vous que je luttais. رواه الإمام مسلم، rapporté par l'imam مسلم. وبعد نهاية الحساب، après la fin de l'interrogation, après la fin de l'examen oral, إما أن يقول لك الله، soit que Dieu va te dire يا عبدي، ô serviteur، سترت عليك ذنوبك في الدنيا، je n'ai pas dévoilé tes péchés pour toi dans la vie passée. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ et aujourd'hui je te pardonne tout ce que tu as fait. Il est le pardonneur, il est l'absoluteur. يا عبدي سترت عليك ذنوبك في الدنيا, je n'ai pas dévoilé devant. Imagine mon frère ou ma sœur, si Dieu dans la vie ici-bas il dévoile tes fautes, il dévoile tes erreurs, ce que tu as fait, personne ne te voyait à part lui. Imagine Dieu le dévoile et tout le monde le connaît. Comment tu vas devenir? Il te dit, dans la vie passée, je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je te pardonne. في الدنيا سترتك واليوم غفرت. في الدنيا سترت واليوم غفرت. قال بعض الصالحين, l'un des maîtres vertueux dit, إذا رأيت بأنك لما تعمل الذنب مرة مرة في لحظة ضعف تقوم بذنب لا يراك أحد والله لا يفضحك, فاعلم بأنه سيغفر لك غدا يوم القيامة. هذا لا يعني أن نكثر من الذنوب أو نقوم بالذنب, ولكن في لحظة ضعف قمت بذنب ووجدت أن الله لم يفضحك بين خلقه, ففيه بشارة بأنه سيغفر لك يوم القيامة, كما سترك في الدنيا سيغفر لك يوم القيامة. L'un des maîtres vertueux dit, si tu vois que lorsque tu commets le péché de temps à autre, par faiblesse, ça nous incite pas à faire les péchés, mais dans le cas où tu fais un péché, tu vois que Dieu ne le dévoile pas, les gens ne le connaissent pas, sache que Dieu, comme il ne l'a pas dévoilé, ça veut dire il l'a pardonné ou il va le pardonner le jour de la résurrection. يقول الله لك غفرت لك, Dieu va te dire je t'ai pardonné. فيطير قلبك, هذا هو النجاح. فيطير قلبك فرحا وسرورا, ton cœur va s'envoler de joie, de bonheur, c'est la vraie réussite, c'est le vrai succès. وإما أن يقول للملائكة, ou bien il va dire aux anges, خذوا هذا العبد, prenez ce mauvais serviteur, farullo, enchaînez-le, thumma al-jahim sallu, et faites-le entrer en plein enfer, wa takhsiru khusranan mubina, et tu subiras une lourde perte. Li'annaka kunta ghafilan fi ad-dunya 'an al-akhirah, parce que dans la vie ici-bas tu étais distrait, tu étais inattentif par rapport à la mort et le monde qui suit la mort. أيها الإخوة, mes frères et mes sœurs, من أراد أن لا يخاف في الآخرة, celui qui ne veut pas avoir peur dans l'au-delà, فعليه بالخوف من الله في الدنيا, il doit craindre Dieu dans cette vie ici-bas. فلا يقوم بالحرام والذنوب, il ne doit pas faire l'illicite et l'interdit et les péchés. ومن أراد أن يستره الله عند الحساب, celui qui ne veut pas être dévoilé par Dieu le jour de l'interrogation, فليستر عباد الله في الدنيا, il n'a qu'à ne pas dévoiler les créatures et les gens dans cette vie ici-bas. Si tu vois quelque chose, ne dis rien. Comme ça, Dieu ne dira rien à propos de tes péchés. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui, من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, celui qui ne dévoile pas un musulman, Dieu ne le dévoilera pas dans ce bas monde et dans l'au-delà, ou comme a qala sallallahu alayhi wa sallam, ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa namurru al-an ila al-mawtin al-thalith wal-akhir min mawatin yawm al-qiyamah. Nous passons maintenant vers le troisième et dernier site sélectionné parmi les nombreux sites du jour de la résurrection. Wa huwa as-sirat, qui est le sirat. Wa sirat, c'est un chemin. Ça signifie, sirat en arabe signifie en français le chemin. Wa huwa jisr mamdoud fawqa an-nar, c'est un pont dressé au-dessus de l'enfer. Ahaddu min as-sayf, plus aiguisé qu'un sabre ou qu'un couteau. Wa adaqqu min ash-sha'r, est plus fin qu'un cheveu. Tuluhu malayir malayir al-kilometrat, sa longueur c'est des milliards de kilomètres. Li anna al-janna 'arduha ka'ard as-samawati wal-ard, parce que le paradis, sa largeur à la dimension des cieux et la terre, بالمقابل, en parallèle, جهنم عرضها كالسماوات والأرض أو أكثر, لأن جهنم ربما أكبر من الجنة, قليل من الناس مؤمنون وأكثر الناس كفار, معنى جهنم كبيرة. Mais en parallèle, l'enfer aura des dimensions comme celles du paradis ou plus. Parce que la majorité des gens sont toujours des mécréants. Ça veut dire que l'enfer doit être plus grand que le paradis. Donc la largeur aussi de l'enfer sera au plus comme les dimensions des cieux et de la terre. Ça veut dire des milliards, de milliards, de milliards de kilomètres. Ali, très haut. Mouchachrim, mètre. Pas une hauteur de 20 mètres, mais Omr Jahannam. 70 kharifan, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la profondeur de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une couche de l'enfer seulement. 70 automnes. Imagine, tu chutes, et on demande à Dieu sa protection, ou si quelque chose chute, elle lui faut 70 automnes pour toucher le fond de l'enfer. Fi hada al-ulu, dans ces hauteurs, tu vas avancer sur as-sirat. قال تعالى مخاطبا الملائكة, Dieu dit dans un verset en parlant avec les anges, فهدوهم فهدوهم إلى صراط الجحيم, ديهم الآن إلى صراط الجحيم, انتهى الحساب, خذوهم للصراط, فهدوهم إلى صراط الجحيم, conduisez-les au chemin de l'enfer. أخي أختي, frère, sœur, إذا وصلت إلى الصراط, lorsque tu arrives devant الصراط, et chacun de nous arrivera un jour devant Sirat. Ra'ayta sawad jahannam min tahtihi. Tu verras la couleur noire de la Gehenne, de l'enfer en dessous de lui. Wa sami'ta shahiqa an-nar wa taghayyudaha. Tu vas entendre le bruit et le son de l'enfer et sa colère. Wa ahsasta bihar lahibiha. Et de loin, tu vas ressentir sa chaleur excessive. Wa faza'a qalbuk. Ton cœur sera effrayé, raba aqluk, ta raison va s'absenter, wa aradta ar-ruju'a ila al-wara, tu vas vouloir reculer vers l'arrière, fa saha 'alayka mala'ikatun ghiladun shidad, des anges forts, géants, très hauts, très grands, te crient, wa amaruka bil-mashy 'ala sirat, ils vont te dire avec cri d'avancer vers sirat. رغم ضعف حالك, malgré la faiblesse de ton état, واضطراب قلبك, malgré la panique de ton cœur, وتزلزل قدمك, malgré les faux pas que tu vas faire, وثقل ظهرك, et malgré la lourdeur de ton dos ou le poids ce qui surcharge ton dos, بالمعاصي والذنوب, tu vas porter sur ton dos tous les péchés et la désobéissance que tu auras accompli dans cette vie ici-bas. Dieu va matérialiser les fautes et les péchés, ça va devenir un poids lourd tu portes et tu dois avancer avec ce poids sur le dos, sur le sirat, qui est plus aiguisé qu'un sabre et plus fin qu'un cheveu. Telle est notre situation sur le sirat. وأحسست أنك لا تستطيع المشي على الأرض avec le poids بالثقل تحس أنك لا تستطيع أن تمشي الثقل ثقل عليك ما تستطيع أن تمشي لا تحرك رجليك فوق الأرض avec ce poids tu vas sentir que tu es incapable de marcher sur un sol normal parce qu'il y a un poids lourd sur toi qui t'écrase le poids de tes péchés فكيف تمشي على صراط أرق من الخيط وأمضى من السيف. Comment vas-tu faire pour marcher sur le sirat aiguisé, plus aiguisé qu'un sabre et plus fin qu'un cheveu? ومن تحته جهنم, en dessous duquel se trouve l'enfer avec ses flammes. وبدأت رأسك تدور, ta tête a commencé à tourner. Ça c'est la traduction mot à mot où tu seras touché par le vertige, tu vas sentir le vertige. وَوَضَعْتَ رِجْلَكَ الْأُولَى عَلَيْهِ, tu poses ton premier pied sur le sirat, فَأَحْسَسْتَ بِحِدَّتِهِ, et tu sens qu'il tranche ton pied du bas, plus aiguisé, très aiguisé. وَالنَّاسُ أَمَامَكَ يَزِلُّونَ وَيَتَعَطَّرُونَ, les gens qui te devant sont en train de faire des faux pas et de tomber. وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَتَسَاقَطُونَ, tu es en train de voir devant toi leur chute, leur écroulement. تَهْوِي رُؤُسُهُمْ إِلَى النَّارِ وَأَرْجُلُهُمْ إِلَى فَوْقِ, leur tête les précède vers l'enfer et leurs pieds sont en l'air. وَهُمْ يَتَسَايَحُونَ, ils sont en train de crier. فَيَا لَهُ مِنْ مَنْظَرٍ مَا أَصْعَبَهُ, quelle vue insupportable. ومشهد ما أفضعه, et quelle scène incroyable. وممر ما أضيق, et quel passage qui est inévitable. وبدأت تزحف على الصراط, tu vas commencer à ramper sur le sirat. وذنوبك تثقل عليك, tes péchés qui t'alourdissent et qui te tirent vers le bas. وتجرك إلى تحت, وتلتفت يمينا وشمالا, tu te retournes à droite et à gauche. فترى الناس وقد اشتعلت فيهم النار, et tu vas voir que les gens ça y est sont embrasés par les flammes. والرسول صلى الله عليه وسلم واقف يقول يا رب سلم سلم, et le messager de Dieu Muhammad صلى الله عليه وسلم au début du sirat debout en train de dire au Seigneur paix, يا رب سلم سلم. فكيف ستفعل, comment vas-tu faire, إذا زلت قدمك, si ton pied trébuche. ولم ينفعك ندمك, et dans le cas où ton regret ne te servira pas à grand chose. قال النبي صلى الله عليه وسلم, il dit prière et sur lui, فمن الناس من يمر مثل البرق, il y a celui qui va passer comme l'éclair. ومنهم من يمر كالريح, il y a celui qui va passer comme le vent. ومنهم من يمر كالفرس, il y a celui qui va passer comme le cheval, la vitesse du cheval. ومنهم من يمشي مشيا, il y a celui qui va marcher normalement. ومنهم من يحبو, il y a celui qui va avancer à quatre pattes. ومنهم من يزحف زحفا, il y a celui qui va ramper sur son ventre. وفي رواية أخرى, dans une autre version, يعني أنت سرعتك فوق الصراط هي سرعتك في الدنيا لإجابة نداء الله تعالى وتبارك. Ta vitesse, mon frère ou ma sœur, sur le sirat sera égale à ta vitesse aujourd'hui de tes réponses à Dieu. Lorsqu'il te dit fais la prière, quelle est la vitesse avec laquelle tu vas faire la prière? إذا قال لك قم لصلاة الفجر, s'il te dit fais la prière de l'fajr, à quelle vitesse vas-tu accomplir, te lever pour faire la prière de l'Fajr? Lorsqu'il te dit, ne fais pas ça, avec quelle vitesse tu vas pas faire ce qu'il t'a demandé de ne pas faire? وفي رواية أخرى, dans une autre version, أن رجلا يحبو على وجهه ويديه ورجليه, un homme qui marchait sur son visage, ses pieds, ses mains sur le sirat, وتصيب جوانبه النار, ses flancs sont touchés par le feu, فلا يزال كذلك حتى يخلص, il continue ainsi jusqu'à traverser. فإذا خلص, lorsqu'il traverse, وقف عليها, il se met debout sur le bord du paradis, ثم قال الحمد لله يلدي الحمد لله لا لونج تا ديو لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا Dieu m'a donné ce qu'il n'a donné à personne. Id najjani minha ba'da id ra'aytuha, parce qu'il m'a sauvé de l'enfer après que je l'ai vu. Ayouha al-ikhwat wal akhawat, mes frères et mes sœurs, man arada an-najat 'ala as-sirat yawm al-qiyamah, celui qui veut éviter, celui qui veut se sauver du sirat le jour de la résurrection, fa'alayhi bittiba' sirat Allah al-mustaqim fi ad-dunya. Il doit suivre à la lettre le droit chemin de Dieu dans cette vie ici-bas. Man dayyaqa 'ala nafsihi as-sirat fi ad-dunya, celui qui rend pour lui étroit le chemin, le sirat dans cette vie ici-bas, wassa'a Allah 'alayhi sirat al-akhirah, Dieu va lui élargir le sirat de l'au-delà. Wa man wassa'a 'ala nafsihi fi ad-dunya bish-shahawat wal-maladdat, celui qui va élargir pour lui le sirat dans cette vie ici-bas avec tous les désirs, avec tous les plaisirs, avec tous les interdits, wa kulli al-muharramat, dayyaqa Allah 'alayhi sirat al-akhirah, Dieu va lui rétrécir le sirat de l'au-delà. Ila huna tantahi rihlatuna al-munazzama liyawm al-qiyamah, à ce moment-là notre visite organisée de découverte du jour de la résurrection prend fin. Wa na'udu ila huna bi salama, on revient vers ici avec toute paix. Na'udu ila ad-dunya allati qala 'anha mawlana, on revient vers ce bas monde pour lequel notre Seigneur dit fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur, ce monde pour lequel Dieu dit ne soyez surtout point séduits par la vie ici-bas et ne soyez surtout point séduits au nom de la clémence de Dieu par le grand séducteur, ça veut dire Shaytan. Ayouha al-ikhwa wal-akhawat, mes frères et mes sœurs, atamanna an tusa'idana hadhihi ar-rihla 'ala at-tawba ila Allah wa 'ala al-isti'dad bil a'mal as-salihah li yawm al-qiyamah. Nous souhaitons que ce voyage nous aide à nous repentir à Dieu et nous aide à nous préparer avec les bonnes actions pour le jour de la résurrection, les bonnes actions pour la balance, pour l'interrogation et pour as-sirat. Innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.